أشراط الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحمده سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك مرة أخرى هذا من فضل الله عز وجل نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعمة العظيمة كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه Donc après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala et après avoir loué notre Seigneur tabaraka wa ta'ala pour nous avoir réunis une fois de plus dans cet endroit béni pour ici rapporter les paroles d'Allah et de son messager bifahmi salafil ummah. Je tiens à dire une nouvelle fois à nos frères et sœurs qui nous suivent un peu partout. Marhaban bikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuha al-ikhwat wal akhawat, on s'est arrêté avec le programme religieux qui avait lieu à la mosquée Sunna de Brest pendant maintenant à peu près un mois et demi. Voilà qu'in quelque part on s'est pas vraiment arrêté quant à la transmission de cette noble religion. Voilà nous zakir Allah ahada. Mais le programme religieux qui avait régulier en direct au sein de la mosquée Sunna de Brest s'était interrompu pendant une petite période. Mais entre-temps, walillahi alhamd, et pendant ce temps-là, cette interruption concernant ce programme religieux qui était en direct ici à la mosquée Sunna de Brest, on a cessé par la permission d'Allah azza wa jalla wa hada min fadlihi subhanahu wa ta'ala de transmettre cette noble religion. Et on implore Allah Azza wa Jalla de nous accorder sincérité et véracité à travers différentes vidéos. Vous avez pu le voir au fur et à mesure, on a donné des cours ici au sein de cette mosquée aussi pendant le mois du Ramadan. On a donné des exhortations un peu partout dans certaines villes de France. On a donné certains rappels ici, que ce soit à Brest, mais en dehors de la mosquée ou bien en dehors de la ville de Brest, etc. Donc ces différentes interventions ont été prises par certains, donc comme d'habitude, hein, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, mais là on est là, j'espère, pour en tout cas la majeure partie d'entre ceux qui nous écoutent, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon ça ne sert à rien de continuer d'aller plus loin. Et je parle pour moi le premier. Donc ici, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Le but principal, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, on est tous d'accord. Donc certaines personnes ont pris et prennent certaines interventions pour de l'ostentation, d'autres personnes prennent certaines interventions pour de la comédie, des scènes de théâtre, etc. Donc cela, on n'en parle pas. Appelle-les comme tu veux, jaloux, haineux, ignorant, égaré, ce que tu veux. À la kulihal, on les met de côté. D'autres personnes ont pris ces interventions ici de façon agréable. Voilà qu'ici, ils voient qu'il y a une certaine vague qui emporte beaucoup de frères et de sœurs dans ce qu'on appelle al-riba ou al-namima, etc. Donc cette vague, elle est tellement importante qu'ils n'osent pas montrer cette joie et cet agrément, quelque part, ouvertement. Donc, ils acceptent et ils aiment certaines interventions. Voilà, nous zakir Allah ahada venant de moi ou d'autres frères. Ils l'acceptent et ils l'aiment. Voilà, qu'ils de façon intérieure. Mais ils n'osent pas dire devant des frères. Et c'est cela qui nous attriste le plus, malheureusement. Wa yastarfouna minan nas, wa la yastarfouna min Allah wa huwa ma'ahum. Ça, ce sont les gens, wa l'ayyadu billah, qui ont oublié qu'on doit satisfaire Allah avant les gens. Et qu'on n'est pas là pour recevoir l'agrément et le soutien des gens, tout en mettant en colère le Seigneur tabaraka wa ta'ala. Voilà qu'il en est là pour satisfaire Allah azza wa jalla. Ils n'osent pas dire, moi j'aime cette vidéo, j'aime ce prédicateur, je parle pas de moi, hein, tel prédicateur, ou tel shir, ou même tel savant, tellement qu'il y a des mises en garde, des aqwal, des qil wa qal, etc. Wal'iyadu billah. Donc ça, on les met aussi de côté en nous disant qu'Allah Azza wa Jal vous guérisse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous raffermisse sur la vérité et qu'Allah Azza wa Jal vous fasse et nous fasse à tous et toutes comprendre ce verset coranique comme il se doit. وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Et dit la vérité est venue, le faux ici a disparu, le faux est voué à disparaître. Que tu penses que tu as des milliers de personnes avec toi ou contre toi, يَا عَبْدَ اللَّهِ, ce qui t'importe c'est de satisfaire Allah et de savoir avec toute certitude que le faux est voué à disparaître, même si tu penses que tout le monde est avec toi, et que le vrai est voué à rester, bi-idnillahi azza wa jal, même si tu as l'impression que tu es tout seul. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda a dit, concernant ici plusieurs textes prophétiques, plusieurs paroles prophétiques parmi elles, yidullah ma'al jama'a, al jama'a tu rahma wal furqa tu adab, etc. Il parle de jama'a et il dit, al jama'a, le groupe, c'est d'être sur la vérité, même si tu es seul. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse comprendre ce texte venant, et cette parole venant de cet illustre compagnon Abdullah ibn Mas'ud, et qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des gens qui le mettons ou qui le mettent en application sans aucun complexe et sans aucune peur des gens, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cet égarement. Et il y a une troisième catégorie de personnes, masha'Allah, tabarakallah. Ici, Allahumma barik, ce sont les frères et les sœurs qui, ici, ils n'ont aucun complexe, et qui, quand ils sont sûrs de suivre une chose qui va ici leur permettre de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, quand ils sont convaincus d'une voie, ils l'affirment clairement, sans aucune crainte des gens, sans aucune peur des paroles qui vont peut-être leur porter atteinte ici-bas pendant une petite période. Walakin, alhamdulillah, ils le disent ouvertement, ils ne cessent de nous envoyer des messages de soutien et ils ne cessent de nous dire, on vous aime en Allah Azza wa Jal, fa wa rabbil ka'ba, uhibbukum fillahi jalla wa ala. Petite parenthèse ici. Fallait que je la dise. Fallait que je la sorte, cette petite parenthèse. Ala kulli hal. Nous sommes avec le cours sur ashratus sa'a. Les signes de l'heure ou les signes de la fin des temps. Et nous approchons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala des grands signes de la fin des temps. Donc quand on dit les grands signes, c'est-à-dire la venue de le Mahdi. Et quand on parle des grands signes, on parle de la venue de le Messie Ad-Dajjal, l'Antéchrist. Quand on parle des grands signes, on parle de Ya'juj et Ma'juj. Quand on parle des grands signes, on parle de la venue de Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam, etc. Donc ces grands signes, on va les traiter très prochainement, bi-idnillah azza wa jal. Il doit nous rester un ou deux cours, je pense. Ici, on va essayer de résumer, wabillahi tawfiq, quelques signes de la fin des temps, c'est-à-dire des signes qui font partie des petits signes de la fin des temps, et on va rentrer dans les grands signes de la fin des temps, bi-idnillah azza wa jal. Et comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, quand on aura terminé la série des signes de la fin des temps le dimanche, ou plutôt le samedi de l'Maghrib al-Isha, on va entamer un nouveau livre concernant at-tawhid, ou bien de façon générale, disons, al-aqidah, bi-idnillah subhanahu wa ta'ala. Donc on approche des grands signes de la fin des temps. Et là, ayyuhal ikhwat wal akhawat, vous allez voir que plus on approche des grands signes de la fin des temps, et plus on s'approche de la Syrie, et plus précisément de la Syrie, sinon de façon plus générale, du Shem. Quand on parle de Shem, on parle de la Syrie, la Palestine, ici il y a aussi le Liban, il y a la Jordanie, et une partie de la Turquie. Vous voyez que plus on s'approche des grands signes de la fin des temps, plus on s'approche du Shem, et plus on s'approche de façon plus précise de Syrie, Damas, comme on va le voir bi-idnillah azza wa jal. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe vraiment en Syrie? Est-ce que la personne peut se dire, après avoir lu les textes qui concernent les signes de la fin des temps, et ce qui va se passer en Syrie, dans le Shem, et particulièrement en Syrie, lors des derniers instants, ou alors lors de la fin des temps, ou de l'approche de l'heure, est-ce que la personne peut se dire, ça fait quand même peur? Naam, on peut se poser la question, et on peut s'interroger, et on peut se dire, qu'est-ce qui se passe? Et on peut se dire, ça commence à faire vraiment peur. Naam, ayol ahibba, et pourquoi pas? Regardez ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, dit sur la Syrie, et comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a 14 siècles, il a décrit qu'est-ce qui allait se passer dans le Shem et en Syrie, plus précisément, lors des derniers instants ou lors des derniers signes de la fin des temps, et on parle ici des petits signes de la fin des temps. Et ici, ayyuhal ahibba, je ne suis pas là pour rentrer ou faire rentrer les gens dans une certaine parano ou psychose, comme certains le font malheureusement, l'il asaf. Ils prennent des textes surtout concernant al-ghaib. Al-ghaib, c'est l'inconnaissable, c'est-à-dire al-mustaqbal, ce qui va venir, comme dit Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Ici, il parle de certains sujets, particulièrement ces sujets-là, ashratu sa'a, et il ne se limite pas à l'explication, donc, à ce qu'a apporté le prophète, alayhi salatu wassalam, et il ne se limite pas aussi, non seulement à ce qu'a apporté le prophète, alayhi salatu wassalam, bien sûr, mais aussi à sahaba, et aussi à l'ulama, mais non, ils vont plus loin, et ils commencent à déduire des choses qui ne peuvent provenir que de leur passion ou de leur je crois, je pense, je vois. Et ils ont fait tomber beaucoup de jeunes à notre époque dans une certaine psychose, jusqu'à ce que certains jeunes me disent « J'ai entendu tel chir parler de telle chose et tel signe de la fin des temps, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'utiliser de la monnaie, on n'a plus le droit d'utiliser de l'argent, on n'a plus le droit de vivre dans tel pays, on doit tous partir, et on n'a plus... » Et Msakin, ils sont rentrés dans un monde, « Allahul Musta'an, hadith wa la haraj. » Non, nous, ça nous suffit de dire « Qala Allah wa qala al-Rasul bi fahmi salafil umma. » Qui nous a apporté ces textes ?« Alladhi la yantiqu anil hawa. » Muhammad alayhi afdalu salati wa askat taslim. Le prophète, il nous a apporté ce qui nous suffit. Donc rajouter des choses qui viennent de nos passions, de nos « je vois, je crois » sans se référer aux savants, « warathatul anbiya », ce n'est qu'un pur égarement. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que ce que je vais vous citer ça, ici, bien sûr c'est une réalité. Bien sûr ça concerne la Syrie. Bien sûr ça concerne Hacham. Walakin, que ça concerne l'époque dans laquelle nous vivons au jour d'aujourd'hui. Probablement oui, probablement non. Mais il y a des questions à se poser, bien sûr il y a des questions à se poser. Donc il faut bien comprendre la chose. Ça parle de la Syrie, oui, c'est une réalité. Ça parle de Shem, c'est une réalité. Ça fait partie des signes de la fin des temps, c'est une réalité. La plupart, et chez certains savants, tous les petits signes de la fin des temps sont passés, c'est une réalité. Mais est-ce que ces textes concernent vraiment ce qui se passe aujourd'hui en Syrie? Allahu a'lam. Mais il y a de quoi se poser des questions. Commence avec moi, et suis avec moi, ya Abdallah. C'est pour ça que ici, je vais me contenter de citer certains textes prophétiques sans rajouter de paroles venant de moi en disant « Regardez, le prophète a dit, donc c'est ce que nous vivons à notre époque. » Non, mais je dis, on peut se poser des questions, mais pourquoi se poser des questions? Suivez bien avec moi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, et le hadith est rapporté par Muslim, « Taqoumu sa'a warroumu aktharu nas. » Là, on parle de Ar-Roum, les Romains. Qui sont-ils? On va le voir, bi'idnillah azza wa jal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, « L'heure viendra alors que les Romains seront les gens les plus nombreux. » Les Romains, ici, quand on parle des Romains à Rome, comme disent les gens de science, ils sont, et c'est cité dans An-Nihaya, et vous trouvez ces textes que je vous dis dans le livre ici que je vous ai déjà cité, où j'ai déjà rappelé le titre de ce livre, Les signes de la fin des temps. Donc ici, ils disent, ils sont de la descendance donc du fils d'Ishaq, fils d'Ibrahim alayhi salam. Ils sont de cette descendance là, donc de la descendance de Ibrahim, de Ishaq plus précisément. À Rome, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, l'heure viendra alors que les Romains seront les gens les plus nombreux. Aouf ibn Malik radiyallahu anhu arda, il rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi afdalu salatu wa askat taslim dire, u'udud sittan bayna yadayi sa'a fa dhakara minha. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Suivez bien. Il dit alayhi salatu wassalam, compte six avant la venue de l'heure. Puis, il a cité parmi ces six choses-là, il y aura une trêve entre vous et les Banu Asfar. Thumma hudnatun takunu baynakum wa bayna bani al-Asfar. Kama qala alayhi salatu wassalam. Les Banu Asfar, il est rapporté que c'est, comme c'est cité dans Fathul Bari d'Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, que c'est les Romains. Donc le prophète a dit, il y aura une trêve entre vous et les Romains. Donc ce qu'on en déduit, c'est que c'est des gens qui descendent de la descendance, qui viennent de la descendance de Ibrahim, plus précisément Ishaq. Ils seront en grand nombre. Il y aura une trêve. Et ensuite, ils vous trahiront et viendront à vous sous 80 étendards. Sous chaque étendard se trouveront 12 000 hommes. Donc ça nous rappelle qu'ils seront des milliers et des milliers. Donc ils seront en grand nombre. Jabir ibn Samura radiyallahu anhu arda, tiens, d'après Nafi' ibn Utba, qu'il a dit, nous étions avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc là on parle des Romains qui seront en grand nombre. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, nous étions, donc ici, Nafi' ibn Utba a dit, nous étions avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et j'ai retenu de lui quatre paroles que je compte de ma main. Il dit, vous envahirez la péninsule arabique, et Allah vous accordera la victoire. Ça c'est le prophète qui a dit, vous allez envahir la péninsule arabique, Allah va vous donner la victoire. Puis, la Perse, et Allah vous accordera la victoire. Puis, ah, écoutez bien, là on revient aux Romains, qui seront en grand nombre, descendants de Ishaq. Puis ici, les Romains, vous allez envahir les Romains. Et Allah vous accordera la victoire. Walillahi alhamd. Et ça, c'est une bouchra, une bonne annonce. Et ici, il vous accordera la victoire. Puis, tout de suite après donc, ici, avoir vaincu les Romains, qu'est-ce qui va venir? Le prophète alayhi sallam dit, puis le faux Messie, et Allah vous accordera la victoire. Donc après cela, il y aura Al-Masih ud-Dajjal. Donc là, on parle des Romains. Tout de suite après, Al-Masih ud-Dajjal. Mais quel rapport avec la Syrie et les Romains? Et pourquoi ici, ça fait partie des signes de la fin des temps, et on s'approche vraiment des grands signes de la fin des temps? Tout simplement, parce que là, le prophète alayhi sallam nous parle des Romains, et tout de suite après les Romains, qu'est-ce qui se passera? Al-Masih ud-Dajjal. Al-Masih ud-Dajjal, ici viendra, ici pour créer Al-Fitan, comme on va le voir dans les détails, bi-idnillah azza wa jal, et les musulmans prendront le dessus, auront le dessus, par la cause de Isa ibn Maryam, sur Al-Masih ud-Dajjal. Mais ça, ça viendra juste après quoi? Après ce qui va se passer avec les Romains. Mais où aura lieu le combat avec les Romains? On va le voir, bi-idnillah azza wa jal, dans les détails. Nafi' dit alors, ô Jabir, nous pensons que le faux Messie n'apparaîtra pas avant que les Romains ne soient vaincus. Rapporté par l'imam Muslim. Donc ici, quand les Romains seront vaincus, Al-Masih ud-Dajjal apparaîtra. Je vous cite un autre hadith, et je me contente des hadiths ici, rapportés par Muslim, il est long, mais il est important de le citer. Donc concentrez-vous, et regardez comment le prophète a traité le sujet dans les détails, après cela, billahi alaykoum. Est-ce qu'une personne d'entre nous a besoin de venir et d'apporter des paroles venant de « je pense, je crois, je vois » Le prophète, regardez comment il a détaillé. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a de quoi se poser des questions. Et de s'interroger, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en Syrie au jour d'aujourd'hui? Est-ce que c'est normal ou pas? On ne dit pas que ça concorde automatiquement avec ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Peut-être c'est quelque chose qui va se passer encore par la suite en Syrie. Ou dans le Shem. Voilà qu'il y a de quoi se poser des questions, bien sûr. Continuez avec moi. Dans un hadith, Yassir ibn Jabir, radiyallahu anhu arda, il rapporte, un vent rouge se déchaîna à Koufa. Un homme vint répétant sans cesse. « Oh Abu Abdullah ibn Mas'ud, l'heure est venue !» Celui-ci s'assit, tandis qu'il était accoudé et déclara. « L'heure ne viendra pas, la taqoum as-sa'a, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun legs à partager, aucun butin qui rende heureux. » Il fait ensuite ce geste de la main et montra du doigt le shem. Là, on s'approche plus de quoi ? Du shem et dans les détails, et plus de la Syrie. Du shem, on a dit le shem, c'est quoi? Il y a la Syrie, il y a la Palestine, il y a la Jordanie, il y a le Liban et une partie, chez certains savants, de la Turquie. Il fit ensuite ce geste de la main et montra du doigt le shem. Et il dit, un ennemi se rassemblera contre les partisans de l'islam. Et les partisans de l'islam se rassembleront contre eux. Je demandais, tu veux parler des Romains? Oui, répondit-il. On a dit les Romains c'est qui? Ils descendent de... Donc on peut pas dire dans les détails, ils sont telle personne, tel groupe, ça dépend d'une époque à une autre. Mais ce qu'on sait que c'est des descendants de Ibrahim, plus précisément de Ismaïl. Non, Ishaq. On continue. Je demandais, tu veux parler des Romains? Oui, répondit-il. Il y aura lors de ce combat beaucoup d'apostasie. Les musulmans prépareront une première troupe à la mort qui ne devra revenir que victorieuse. Ils s'entretueront jusqu'à ce que la nuit s'interpose. Ils s'entretueront jusqu'à ce que la nuit s'interpose. Ceux-ci et ceux-là reviendront sans être victorieux. Puis la troupe succombera. Les musulmans prépareront ensuite une troupe à la mort qui ne devra revenir que victorieuse. Ils s'entretueront jusqu'à la nuit ou jusqu'à ce que la nuit s'interpose. Ceux-ci et ceux-là reviendront sans être victorieux. Puis la troupe succombera. Donc il y a des pertes, il y a des batailles, d'accord, qui seront perdues. Les musulmans prépareront à nouveau une troupe jusqu'à la mort, qui ne devra revenir que victorieuse. Ils combattront jusqu'à la nuit. Ceux-ci et ceux-là reviendront sans être victorieux. Puis la troupe succombera encore. Au quatrième jour, le restant des partisans de l'islam se dressera contre eux. Et Allah leur accordera la victoire. Ce sera une grande tuerie dont on n'aura jamais vu de pareil. Avec un léger doute sur les termes exacts, il dit le rapporteur. Au point qu'un oiseau ne se trouvant pas près d'eux, ne passe par là sans qu'il ne tombe raide mort. Aussi, lorsque des frères qui étaient au nombre de 100 feront le compte, ils ne trouveront plus qu'un seul homme restant, tellement qu'il y aura des tués et des morts. De quel butin sera-t-il heureux et quel legs partagera-t-il? Et tandis que leur situation sera telle, ils entendront un malheur encore plus grand, un héros criera. Et ce qui se passera? Des morts et des morts et des morts. Des batailles perdues par la guerre. Et ensuite, ici, ils seront victorieux. Mais beaucoup, beaucoup de pertes. Jusqu'à ce qu'un héros va crier. Et il dira à ce moment-là, ils entendront un malheur encore plus grand. Et quel peut être le malheur ou un malheur plus grand que cela? Des milliers de musulmans, musulmanes, êtres humains qui vont mourir. Ça sera quoi? Un héros criera que le faux messie Al-Masih Ad-Dajjal leur a succédé dans leur famille. Ils jetteront ce qu'ils auront dans les mains et s'y dirigeront et ils enverront 10 cavaliers en avant-tête. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, je connais certes leur nom et leur nom ou les noms de leur père. Inni la a'rifu asma'ahum wa asma'a aba'ihim wa alwana khuyulihim. Comme قال عليه الصلاه والسلام, ainsi que la couleur de leurs cheveux. Ils seront les meilleurs cavaliers à la surface de la terre ce jour-là ou parmi les meilleurs cavaliers à la surface de la terre ce jour-là. Et ici, il est rapporté, cette bataille aura lieu dans le Shem à la fin des temps avant l'apparition de Al-Masih Ad-Dajjal, comme le montrent les hadith, la victoire des musulmans sur les romains préparera la conquête de Constantinople. Ah, il y aura ici une autre conquête. Donc il y aura cette bataille qui fera rage, donc ici au Shem, et ici il y aura une autre conquête qui se passera et qui sera gagnée par les musulmans à Constantinople. C'est où Constantinople? Ça représente quoi exactement au jour d'aujourd'hui? Istanbul. Mais Istanbul ce n'est pas des musulmans. Donc comment ici les musulmans vont aller pour conquérir Constantinople alors que c'est des musulmans? Mais ici, certains gens de science ont apporté des paroles pour expliquer que ça va être une victoire qui va faire, ou alors une conquête qui va faire que quoi? L'islam sera vraiment présent de façon complète comme il se doit. Mais donc ils vont conquérir, ils vont se battre sans aucune arme et sans verser le sang. Juste avec quoi? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Comme le prophète l'a détaillé ici, alladhi la yantiqu anil hawa, comme on va le voir, bi'idnillah azza wa jal. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les Romains s'installent à... Mais on parlait du Shem ou on parlait de Syrie là maintenant? On parlait de quoi là? Du Shem. Mais tout à l'heure on a dit on parlait de Syrie. Donc là, ce que le prophète alayhi salatu wa salam a détaillé, est-ce que c'est vraiment en Syrie ou pas? On continue avec les hadiths. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, la taqoumu sa'a hatta... ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les Romains s'installent à l'A'maq ou à Dabiq, qui est en Syrie. C'est alors qu'une troupe de Médine ira à leur rencontre. Donc ils vont s'installer en Syrie. Une troupe de Médine va venir à leur rencontre. Voilà c'est ce qui va se passer. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui ne parle pas poussé par sa passion qui l'a dit. Ils seront parmi les meilleurs gens sur terre ce jour-là. Donc c'est-à-dire les Médinois qui vont aller ici secourir les musulmans, donc où ça? En Syrie. Donc je ne dis pas que là le prophète alayhi salatu wassalam a décrit ce qui est en train de se passer maintenant au jour d'aujourd'hui. Peut-être ça va venir après. Mais il y a de quoi se poser des questions. Lorsqu'ils se dresseront en rang, les Romains diront, laissez-nous combattre ceux des nôtres qui ont changé de religion. Et les musulmans de répondre, non par Allah, nous ne vous laisserons pas atteindre nos frères. Et ils les combattront. Un tiers sera mis en déroute, dont Allah n'accueillera jamais le repentir. Un tiers sera tué, qui sont les meilleurs martyrs auprès d'Allah. Et un tiers remportera la victoire, ils ne seront jamais troublés. Ainsi, ils conquerront Constantinople. Et tandis qu'ils se partageront les butins qu'ils auront accrochés, et qu'ils auront accroché leur épée à des oliviers, le diable criera parmi eux, le Messie vous a succédé. Juste quand ils vont gagner, ici, Shaitan va leur dire, le Messie, Al-Masih Ad-Dajjal, khlas, il est venu, il est là. D'accord? Pour les détourner. Donc, ils vont dire, ou Shaitan va dire, le Messie Ad-Dajjal, il est venu, il est dans vos familles. Et ici, alors ils partiront, mais c'était faux, c'était un mensonge. Shaitan, kadhab, al-Shayatin, il ment beaucoup. C'était un mensonge. Donc il a voulu les détourner. Lorsqu'ils arriveront au Shem, à ce moment-là, il apparaîtra. Donc dans tous les cas, il va venir directement après cette victoire. Tandis qu'ils se prépareront au combat et se dresseront en rang, on fera l'appel à la prière, puis Isa ibn Maryam descendra. Donc on est toujours dans le Shem. Isa ibn Maryam, on va le voir bi'idnillah azza wa jal, sayanzil bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, où? À Damas. Damas c'est où? En Syrie. Regardez, juste là, alors on voit que ça se précise de plus en plus. On parle de quoi? Du Shem et de la Syrie. Abu Darda rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, ici le centre urbain des musulmans, avec une traduction ici approximative, inna fustat al-muslimina yawma al-mahmah, ici al-malhama, afwan, le centre urbain avec une traduction approximative des musulmans au jour de l'épopée se trouvera dans une terre qu'on appelle ici Bilrouta, d'accord, dans une ville que l'on appelle, plus précisément, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit yuqalu laha Dimashq, hein, yuqal aydan, on a un syrien avec nous, mashallah, Al-Ghouta, donc Dimashq comme a dit alayhi salatu wa salam. Donc il parle ici de Damas, d'accord, et il dit le prophète alayhi salatu wa salam, في هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وذكر الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع il parle de Dimashq et il dit من خير مدائن الشام, ici cette ville Damas, l'une des meilleures villes du Shem. Donc le prophète il précise que quand l'islam sera donc quelque part dans son jour de l'épopée, les musulmans se trouveront où? À Damas. Et le prophète il fait ici l'éloge de cette ville qui est Damas, et il dit cette ville est l'une des meilleures villes du Shem. Donc le prophète a décrit ce qui se passera dans les détails, où ça? En Syrie. Et il dit, et nous croyons en les paroles prophétiques, que la victoire appartiendra à qui? Aux musulmans. Et tout de suite après la victoire, qu'est-ce qui se passera? Al-Masih al-Dajjal. Donc c'est pour ça que j'ai dit précédemment, il y a de quoi se poser des questions. Et il y a de quoi avoir peur. Et pourquoi pas avoir peur? Et comment ne pas avoir peur? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a rappelé à plusieurs reprises la grande fitna que ça va être. Fitnatu al-Masih al-Dajjal. Jusqu'à ce qu'il a dit, après chaque prière, le prophète alayhi salam, ou avant le taslim, quand on a fini ici, at-tashahud, qu'est-ce qu'on dit? On cherche protection auprès d'Allah azza wa jal contre quoi? Les troubles, la fitna de al-Masih al-Dajjal. Et c'est pour ça, que la personne, non seulement il doit se poser des questions, mais plus on approche des grands signes de la fin des temps, et plus la personne doit avoir quelque part de plus en plus peur. Celui qui a bien compris cette noble religion, et celui qui a bien compris cette religion, il doit non seulement avoir peur, mais se prémunir et se préparer ici à rencontrer Al-Masih al-Dajjal. Et vous allez voir quand on va parler de lui dans les détails, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que tellement que ça va être une grande fitna, que les gens vont rentrer chez eux et ils vont faire tout pour empêcher leurs femmes et leurs mères et leurs filles de sortir. Pourquoi? Parce que les femmes, ici, ils vont, certains gens de science ont dit, parce que les femmes seront moins informées et auront moins pris connaissance. Et la femme, à la base, elle est plus faible que l'homme, c'est-à-dire elle est plus douce, elle est plus sensible que l'homme. Quand ils vont voir Al-Masih al-Dajjal, ils vont, on va dire, entre guillemets, tomber plus facilement dans le panneau que les hommes. Donc les hommes seront pris de panique. Ils vont faire tout pour empêcher leur mère, empêcher leur fille, empêcher leur sœur de sortir. Parce que le Masih al-Dajjal, bi-idnihi subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah azza wa jal, Allah va lui donner des pouvoirs, ici, impressionnants. Vous savez qu'il pourra dire à une personne, tiens, ton père il te manque, il est enterré où? Il est enterré là. Qoum, lève-toi. Bi-idnillah azza wa jal, son père sortira de la tombe. Ici, il coupera une personne en deux, il passera à travers la personne, et ici, il ordonnera que son corps redevienne intact, et ça se passera comme cela. Bi'idnillah azza wa jal, ça sera une grande fitna. Imaginez-vous, même au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, juste parce qu'ils entendent un sahar lui dire juste une petite parole de vérité peut-être quelquefois, parce que, ash-shayatin, ils ont volé ici des informations qui leur a été données aux anges de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant une personne, et tout le reste, 1 million de mensonges, ils sont éblouis, impressionnés, ils sont prêts à donner toute leur vie. Imagine-toi quand tu vas voir le Messie Ad-Dajjal. Ce ne sera pas que des paroles avec beaucoup de mensonges. Avec... Non, ce sera le Messie Ad-Dajjal, il aura des pouvoirs extraordinaires par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, ce sera une grande fitna et une grande épreuve. Et seuls les croyants vertueux, pieux, sincères qu'Allah aura préservés pourront ici s'en sortir le jour où il sera là. Il y aura aussi, comme on a dit, la conquête de Constantinople. Mais de quelle manière? Constantinople, ici, c'était une ville romaine, comme il est expliqué dans le livre, ici, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Istanbul, une ville de Turquie. Autrefois, elle se nommait Byzance, mais lorsque Constantin le Grand régna, il construisit une muraille, la nomma Constantinople, et en fit la capitale de son royaume. D'accord? Donc ici, l'un des signes, aussi, donc on a parlé de ce qui va se passer à Shem, précisément en Syrie, contre Ar-Rom, les Romains, donc descendance d'Ishaq. Et il y aura ici la conquête de Constantinople, avant, bien sûr, l'apparition du faux Messie. Al-Ulama, ils ont dit, ça va venir directement après. Ils vont conquérir et ils vont gagner la bataille contre Rome, ils vont conquérir Constantinople dans la foulée, et tout de suite, Al-Masih Ad-Dajjal, ici, apparaîtra, bi-idnillahi azza wa jal. Clair? Et il dit ici l'auteur, Al-Mu'allif, les hadiths montrent que cette conquête aura lieu après la bataille contre les Romains lors de la grande épopée et la victoire des musulmans sur ces derniers. C'est à ce moment-là qu'ils se dirigeront vers Constantinople, alors Allah leur accordera la victoire sans même combattre. Donc pas de contradiction, sans même combattre. Leur seule arme sera de dire At-Takbir Allahu Akbar et At-Tahlil La ilaha illallah. Ça sera la seule arme. Dans un long hadith ici, et on en arrive à la fin, parce que le temps passe très vite, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu arda, il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ici, avez-vous entendu parler d'une ville dont un côté se trouve sur terre et l'autre sur la mer? Ils dirent, oui, au messager d'Allah. Il poursuivit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que 70 000 hommes parmi les fils d'Ishaq l'attaquent. Ah, mais on a dit les fils d'Ishaq, c'était qui? C'est les Romains, mais on a dit ici, ils ont été battus. Mais comment ça se fait qu'ils ont été battus et que c'est les musulmans qui ont gagné ou qu'ils gagneront, inshallah ta'ala, et qu'ensuite, ah, c'est les, donc ils vont rentrer avec At-Takbir At-Tahlil, donc c'est des musulmans. Mais là, on dit que c'est qui? C'est les fils d'Ishaq. Est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction, vous allez le voir. Quand ils l'aborderont, ils s'installeront et ne combattront avec aucune arme, ni ne décocheront aucune flèche. Ils diront, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et d'un coup, l'un de ses pans tombera. Et ensuite, ils diront une deuxième fois, La ilaha illallah. Et l'autre partie tombera. Ils diront à nouveau, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et la ville leur sera ouverte. Ils y entreront, prendront le butin. Et tandis qu'ils se partageront le butin, ou les butins, un héros criera, Al-Masih Ad-Dajjal. Le faux Messie est sorti. Et ils délaisseront alors tout, et s'en retourneront, rapporté par Muslim avec l'explication de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Écoutez bien, sa parole dans ce hadith que 70 000 hommes parmi les fils d'Ishaq l'attaquent pose problème. Donc à première vue, donc on dit il y a un problème parce qu'on a dit normalement ça y est, ils n'existent plus, ceux-là, ils ont été conquéris, mais là c'est eux qui vont conquérir, mais à la base ce n'étaient pas des musulmans, mais là ils rentrent avec takbir al-tahlil. Ils disent al-ulama, en fait les Romains font partie des enfants d'Ishaq, car ils sont de la descendance, ici, du fils d'Ishaq, fils d'Ibrahim, l'ami intime d'Allah, Khalilur Rahman, Khalilullah. Comment se peut-il donc que la conquête de Constantinople soit faite par eux? Al-Qadi Iyad. Et il y a plusieurs paroles de gens de science. Al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, dit, il en est ainsi dans tous les textes de Sahih Muslim parmi les fils d'Ishaq. Il dit ensuite, certains ont dit que ce qui est connu est retenu, et parmi les fils d'Ismaïl, c'est ce qu'indique le hadith et son contexte, car ce sont les Arabes qui l'a visé. Walakin qawlu rajih, c'est ce qu'a dit Ibn Kathir. Il est d'avis que le hadith indique que les Romains se convertiront à la fin des temps. Il dit que les Romains, donc on a dit qu'ils étaient des milliers et des milliers, une très grande force. Walakin, ici, vous savez que quand tu gagnes une bataille, donc en général, il y a des prisonniers. D'accord? Et dans l'histoire de l'islam, on sait que de nombreux, des centaines, des milliers de prisonniers, ils se sont reconvertis parce qu'ils leur proposaient de se reconvertir. Et Qawlur Rajih, regardez ce qu'il dit Ibn Kathir, indique que les Romains se convertiront à la fin des temps. Il se peut alors que la conquête de Constantinople se fasse par une partie d'entre eux, comme le stipule le hadith précédent, à savoir que 70 000 hommes parmi les enfants d'Ishaq l'attaqueront. Donc il y aura des musulmans, mais particulièrement cette grosse force et ce grand nombre de la descendance d'Ishaq qui se sera reconverti à l'islam et qui va rentrer directement avec eux pour conquérir Constantinople. Et on sait en général, ayyuhal ahibba, et même dans l'histoire, et on l'a vu dans la sira du prophète alayhi abdallah sallah qui waskat taslim, que quand il y a deux armées qui se rencontrent et qu'il y a une armée qui est tellement forte, tellement armée et tellement qu'elle est en grand nombre que souvent l'adversaire, il ne veut même pas combattre parce qu'il voit qu'il sait que c'est quasiment partie perdue. Je ne parle pas du côté des croyants, des pieux, des vertueux. Non, mais en général, dans des batailles, ça se passe comme ça. Et c'est ce qu'on a vu ici, dans la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il y a eu ici différentes rencontres avec l'ennemi. Parmi ces rencontres, où ils n'ont pas eu besoin de combattre directement avec les armes, et que les combats n'ont pas fait rage, etc., il y a eu la bataille de... Il y a eu la bataille de l'Ahzab aussi ou pas? La bataille de l'Ahzab. Il y a eu beaucoup de batailles où ils n'ont même pas eu besoin de combattre, de tuer d'eux. Donc c'est pour ça, ayyuhal ahibba, qu'on peut en déduire que tellement qu'ils ont vu la force, peut-être et probablement que bi'idnillah azza wa jal, ils n'oseront même pas aller plus loin, combattre, et simplement avec le takbir et le tahlil, ici les portes vont s'ouvrir. Donc si ça s'ouvre facilement avec le takbir et le tahlil, c'est sûrement, wallahu alam, peut-être que les gens à la base aussi sont prêts à accepter facilement cette parole. Et aujourd'hui à Istanbul, il y a quoi Istanbul, c'est quoi? Des musulmans. Clair? Wallahu a'lam. Donc ici, on continue bi'idnillah azza wa jal. Il en veut pour preuve qu'une éloge leur est faite dans le hadith ici où le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'heure viendra alors que les Romains seront les gens les plus nombreux. Clair? Et dans le hadith rapporté par Muslim avec l'explication de l'imam al-Nawawi, il est rapporté selon Abu Hurayra, d'accord, ou le hadith précédent d'Abu Hurayra concernant la bataille avec les Romains prouve aussi que ceux qui se reconvertiront, on va dire, à l'islam à la fin des temps. Il y est mentionné que les Romains diront aux musulmans, et le hadith est rapporté par Muslim, laissez-nous combattre ceux parmi nous qui nous ont reniés. Et les musulmans de répondre, non par Allah, nous ne vous laisserons pas atteindre nos frères. Clair? Et ça, ayyuhal ahibba, c'est des textes qui nous rappellent aussi qu'il y a la conquête ou la bataille qui va être gagnée contre les Romains, ou ça, en Syrie, tout de suite après la conquête d'Istanbul, et tout de suite dans la foulée, la venue de Al-Masih Ad-Dajjal. Parmi les signes de la fin des temps qu'il y aura aussi, et on va voir et on clôturera ça lors de la semaine prochaine du dernier cours bi'idnillah azza wa jal. Donc, on a traité la majeure partie, si ce n'est la quasi-totalité des petits signes de la fin des temps, pas tous, mais la quasi-totalité. Et ici, on va finir et clôturer avec les petits signes de la fin des temps, bi'idnillah azza wa jal. Et comme ça, donc, on pourra rentrer directement avec la venue de l'Mahdi, le Messie Ad-Dajjal, Isa ibn Maryam, Ya'juj et Ma'juj, etc. Et on traitera chaque grand signe, on en fera un cours. Un cours, un grand signe, bi'idnillah azza wa jal. Et la semaine prochaine, on parlera ici de l'apparition d'Al-Qahtani. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé dans les détails. Donc, c'est une personne qui est issue de la tribu de Qahtan, à laquelle remontent les origines des habitants du Yémen. Et on va en parler bi'idnillah azza wa jal. Il y a aussi le fait que Médine rejettera ses malfrats, puis elle sera détruite. La Mecque, ici la Kaaba, sera détruite. Et on va parler du vent agréable qui emportera les âmes des croyants. Et on va parler de quoi? De la terre du rassemblement. Et ensuite, directement, bi'idnillah azza wa jal, on rentre dans les grands signes, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, wa billahi tawfiq. Demain, rendez-vous entre le Maghrib et l'Isha avec le cours de fiqh, de jurisprudence, incha'Allah ta'ala. Je tiens à rappeler à mes frères et sœurs qu'il nous reste quelques cours pour arriver à Kitab al-Salah, le livre de la prière. Et avant d'entamer dans les détails, mais vraiment les détails, avec toute la divergence, ou avec une grande partie de la divergence, des gens de science sur la prière, comment rattraper la prière, sujud de sahou, ar-ruku', où on met les mains, etc., je ferai une conférence, bi'idnillah azza wa jal, un dimanche après-midi, et cette conférence se fera, entre guillemets, avec un cobaye. Et ça se fera peut-être dimanche prochain ou dans deux semaines, mais c'est prochainement, incha'Allah ta'ala, donc avec un cobaye, avec un frère, ici, qui se positionnera debout, et moi, à travers le livre très connu de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, concernant la description de la prière prophétique, je vais le suivre dans ses mouvements, du début jusqu'à la fin, Inch'Allah ta'ala, et je vais lui rappeler les textes venant du prophète alayhi salatu wassalam, et il va suivre les textes du prophète alayhi salatu wassalam en faisant les mouvements de takbiratul ihram jusqu'à taslim. On en fera une vidéo pour apprendre aux frères et aux sœurs à faire la prière comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait, et ceci en vidéo. On va essayer de la simplifier, mais en donnant le plus de détails possible. Wa billahi tawfiq, inshaAllah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.